Yu tomba malade, et fut plus d'un mois à se rétablir. On voit par ces exemples qu'il ne faut pas offenser les dieux. Renoncer au devoir que prescrit la raison, et s'étudier à faire tout ce qui la blesse. Commentaire. Le mot qui, un, veut dire laisser de côté, abandonner. Le mot Shang, 2, exprime ici les choses qui sont conformes à la raison. Le mot Yao, 3, signifie apprendre à faire. Le mot Ni, 4, exprime ici les choses qui ne sont pas conformes à la raison. Ce passage veut dire ne pas se conduire en homme de bien et s'étudier à imiter les méchants. On lit dans l'ouvrage intitulé Zhou La justice du prince, la droiture du ministre, l'affection du père pour ses enfants, la piété filiale, l'amitié du frère aîné pour ses frères cadets, le respect des frères cadets pour leurs aînés, voilà ce qu'on appelle le Shang, c'est-à-dire les six choses conformes à la raison. Lorsqu'on voit les jeunes insulter leurs aînés, les petits usurper les droits des grands, les roturiers faire obstacle aux nobles, les parents éloignés se mettre à la place des proches parents, les nouveaux amis supplanter les anciens, les hommes vicieux violer la justice, tout cela s'appelle l'uni, c'est-à-dire les six choses contraires à la raison. On doit s'étudier à faire les choses conformes à la raison, et abandonner sur le champ celles qui lui sont contraires. Les personnes qui s'écartent de cette règle de conduite, appellent promptement le malheur sur leur tête. Histoire sous la dynastie des Tang, le prince, en Loshan s'étant révolté, ordonna à Hu Chao d'embrasser son parti, et de conduire un corps de troupes à Yongqiu. Chao était un ancien ami de Changchun. Quand la ville fut prise, il continua à lui parler familièrement comme par le passé. La cause de l'empereur est perdue, lui dit-il un jour. Pourquoi avez-vous défendu la ville avec tant d'opiniâtreté? Mon ami, lui répondit Sun, vous promettiez toujours d'être fidèle à la droiture et à l'équité. Dites-moi un peu ce qu'est devenu aujourd'hui votre droiture et votre équité. Chao se retira couvert de confusion. Bientôt après, il subit le châtiment qu'il avait mérité. On voit par là que ceux qui s'étudient à faire ce qui blesse la raison, appellent promptement le malheur sur leur tête. Cet exemple est bien propre à ouvrir les yeux de ceux qui ont abandonné leur devoir. Tourner le dos à ses proches parents, et rechercher ses parents éloignés. Commentaire. Nous avons vu précédemment ne pas savoir distinguer les personnes qu'il faut rechercher ou fuir. Ce passage se rapportait aux hommes vicieux et aux hommes vertueux. Celui qui nous occupe en ce moment s'applique aux proches parents et aux parents éloignés. Confucius disait, aimer les autres hommes au lieu de ses proches parents, c'est se révolter contre la vertu. Respecter les autres hommes au lieu de ses proches parents, c'est se révolter contre les rites. Il y a des hommes qui tournent le dos à leurs proches parents, et qui recherchent leurs parents éloignés. Tantôt c'est par intérêt ou par rancune, tantôt c'est l'effet de la partialité ou de la froideur. On voit qu'ils se révoltent encore bien davantage contre la vertu et les rites. Histoire autrefois Yang Fu avait pris en affection un lettré célèbre nommé Wuxi, de la province de Ctchuan. Un jour, comme il allait lui rendre visite, il rencontra en chemin un vieux religieux qui lui dit « Il vaudrait mieux aller rendre visite à Fo qu'à Wuxi. » « Où est Fo ?» lui demanda Yang Fu. « Vous n'avez qu'à vous en retourner. » lui dit le vieux religieux, vous verrez une personne enveloppée dans une couverture, et négligemment chaussée. C'est faux. Yang Fu s'en revint aussitôt. Il arriva à sa maison au milieu de la nuit, et frappa à la porte. Sa mère, en l'entendant, fut ravie de le voir revenir. Elle se lève à la hâte, s'enveloppe dans une couverture, met ses souliers au hasard, et court lui ouvrir. Dès que Yang Fu l'eut aperçu, il fut frappé comme d'un trait de lumière, et comprit la vie que lui avait donnée le religieux. Dès ce moment, il fit tous ses efforts pour nourrir son père et sa mère. Il y a bien des manières de tourner le dos à ses proches parents et de rechercher des parents éloignés. Les uns négligent de pourvoir à la subsistance de leur père et de leur mère, et ils offrent des MAFO et nourrissent des religieux. Les autres ne vivent point d'accord avec leurs frères et montrent une amitié aveugle pour les parents de leurs femmes. D'autres jettent l'or comme de la terre, le donnent avec profusion à leurs amis, et laissent languir leurs proches parents de froid et de misère, sans songer à en secourir un seul. Il y en a enfin qui osent adopter des ancêtres étrangers à leur famille, qui recherchent les hommes puissants et comblés d'honneur, et leur témoignent le plus vif attachement, tandis qu'ils n'ont que de la froideur et de l'indifférence pour le proche parent. Tous ces hommes-là se révoltent contre la vertu et les rites. Montrer le ciel et la terre, et les prendre à témoin de ces relations criminelles. Commentaire. Le mot Qing 5 veut dire prendre quelqu'un à témoin de. L'expression POI signifie ici des intrigues d'amour. Rien au monde n'est aussi digne de nos respects que le ciel et la terre. L'homme veille sur lui-même et les adore avec une crainte religieuse, et encore redoute-t-il de n'être pas exempt de crime. Le ciel et la terre voient tous les mouvements de notre cœur et de notre pensée. Si donc nous osons les montrer du doigt et les prendre à témoin, pour justifier nos coupables intrigues, nous commettons envers eux une grave offense dont nulle prière ne pourront jamais nous obtenir le pardon. Histoire sous la dynastie des Song, Yang Chang fréquentait souvent la maison d'une veuve, et mettait le plus grand mystère dans toutes ses démarches. Si, par hasard, quelques personnes témoignaient des soupçons, la jeune veuve, qui était d'un caractère emporté, entrait dans une violente colère, et chaque jour elle prenait à témoin le ciel et la terre pour justifier sa conduite. Mais, au bout d'un an, elle mourut subitement. Cet exemple devrait servir de leçon aux hommes du siècle. Appelez les regards pénétrants des dieux sur sa conduite dépravée. Commentaire. Le mot yin, un, signifie diriger, amener. Le mot yin, 5, veut dire voir clairement, voir avec des yeux pénétrants. Les mots veisé, chose vile, signifie ici des liaisons criminelles, des actions dépravées, dignes du dernier mépris. Les dieux sont la droiture même, et ne font exception de personne. Comment pourraient-ils souffrir que les hommes leur adressassent des demandes qui blessent les mœurs, et leur accorder une assistance dont ils sont indignes? S'ils osent appeler les regards pénétrants des dieux sur des actions impures, qu'ils craindraient de faire connaître à un magistrat et même à un ami, cette offense aux dieux et les péchés qu'ils commettent reçoivent aussitôt leur châtiment. Histoire dans sa jeunesse, Lao Chongxi se distinguait par ses talents littéraires. À l'âge de 17 ans, il demeurait dans la capitale avec son précepteur, nommé Qiu. Une demoiselle, d'une beauté accomplie, habitait une maison qui faisait face à la sienne. À force de la voir, il en devint épris. Son maître lui dit alors, « Le Dieu qui protège la ville est très puissant. Je vous engage à aller le prier, et peut-être daignera-t-il réaliser le vœu de votre cœur. » Sur le champ, Lao rédigea une prière, et alla la présenter au temple. Mais, la nuit suivante, il vit en songe le dieu de la ville, qui les poursuivit avec son maître, et leur adressa d'amers reproches. Puis il ordonna à son secrétaire d'examiner le livre où devaient être écrites leurs charges et leur dignité future. Au bas du nom de l'eau, se trouvait la note suivante. Dans l'année qui a suivi, la 11e du cycle, il obtiendra le premier rang sur la liste des docteurs. Mais il n'y avait aucune observation au bas du nom de Kyo. Le dieu leur dit. J'ai fait connaître au maître suprême la conduite de l'eau, et il a effacé tout son avancement. Quant à Kyo, il mourra de douleur d'entrailles. À peine l'eau fut-il éveillé, qu'un domestique de l'hôtel frappa à sa porte, et lui annonça la mort violente de son précepteur. Lao Chongxi passa le reste de sa vie dans l'obscurité et la misère. C'est ainsi qu'il fut puni pour avoir appelé les regards pénétrants des dieux sur sa conduite dépravée. Le docteur Lien Tse disait « Il est bien certain qu'on ne doit pas manquer de respect aux dieux, mais on ne doit pas non plus chercher à les flatter. Lorsque vous les priez pour obtenir ce que vous désirez, gardez-vous de leur promettre des offrandes et des victimes. Loin d'être exaucées, de telles prières ne vous rapporteraient que des malheurs. Et, fussent-elles exaucées, vous finiriez par éprouver le plus cruel châtiment. Quant à ceux qui moulent des statues, qui bâtissent des temples, qui façonnent des vases pour faire des offrandes, ils doivent, quand l'occasion s'en présente, accomplir avec joie ses bonnes œuvres, mais il n'est pas permis de les faire dans l'intention d'obtenir le bonheur. En effet, Efoué miséricordieux et juste pour tout le monde, les dieux sont la droiture eux-mêmes, et ne font exception de personne. Comment pourrait-il se laisser gagner par des présents, et vous accorder sans aucun mérite, les richesses et le bonheur? Voici maintenant en quoi consistent les devoirs de l'homme, montrer de la fidélité au prince et de la piété filiale à ses parents, avoir pitié des pauvres et respecter les vieillards, sauver ses semblables des malheurs que le ciel envoie, par exemple, de l'eau et du feu, et les soulager dans leurs souffrances, s'abstenir du meurtre, et mettre en liberté les animaux condamnés à périr, enfin, pratiquer des vertus cachées, et faire du bien à toutes les créatures vivantes, suivant ses moyens et avec un zèle infatigable. On peut conclure de tout ce que nous venons de dire, que si l'homme ne doit pas flatter les dieux pour obtenir le bonheur, à plus forte raison ne lui est-il pas permis d'appeler leur regard pénétrant sur sa conduite dépravée. Se repentir de ses aumônes ou de ses dons. Commentaire. Le mot « chi » signifie « donner l'aumône », « donner quelque chose à titre d'aumône ». Par exemple, de l'argent, du riz cru, du thé, du riz cuit, des potions médicinales, des vêtements, des cercueils. Le mot « yu » veut dire ici « offrir à quelqu'un des choses précieuses ou de l'argent ». L'expression « eui » veut dire « se repentir d'une action après l'avoir faite ». Lorsque nous avons donné un objet précieux à une personne, elle en éprouve de la reconnaissance, et nous-mêmes nous acquérons du mérite. Mais si nous nous en repentons aussitôt après, non seulement toutes nos aumônes et nos dons précédents ne nous seront d'aucun mérite, mais il est même à craindre que ce regret n'arrête et n'étouffe à l'avenir toutes nos bonnes pensées. Comment cette conduite pourrait-elle rester impunie? Histoire. Chewyo a aimé à faire l'aumône aux pauvres, nulle peine, nulle fatigue ne pouvait ralentir son zèle. Un jour le dieu Chi Quan Chinjin se changea en mendiant pour l'éprouver. Chewyo s'empressa avec joie de lui donner l'aumône, et aussitôt le dieu le transporta au séjour céleste, où il porte le nom de Siwa Chinjin. Yang Peiyong aimait à distribuer des aliments aux malheureux. Un jour il rencontra un personnage extraordinaire, qui lui donna une mesure de grains précieux comme le jade. Ses fils et ses petits-fils obtinrent tous des richesses et des honneurs. Peiyan Yuan et ses deux frères aimaient à répandre des aumônes. Un jour un vieillard entra dans leur maison pour demander quelques aliments. Les trois frères lui témoignèrent le plus grand respect. Quelque temps après, en lui ayant levé l'étendard de la révolte, le vieillard les conduisit dans une grotte profonde et les préserva des dangers de la guerre. Ipesan était un homme pauvre que défigurait un énorme goitre. Un jour il vit un Taosé qui entrait dans une boutique pour demander quelques deniers de cuivre. Pesan, voyant qu'il n'avait rien obtenu, fouilla dans sa ceinture et lui donna un TH-1, la valeur de 100 deniers de cuivre. La nuit suivante il eut un songe et rêva que ce Taosé l'avait délivré de son goitre. À son réveil il se trouva en effet guéri. Sepping Chi trouva un trésor en bâtissant une maison. Il s'écria en soupirant : les richesses sont la vie de l'homme. Puisque le ciel m'accorde cette fortune, il n'est pas juste que j'en jouisse seul. Il distribua tout son or aux malheureux. Toutes les personnes dont se composait sa maison parvinrent heureusement à la vieillesse la plus avancée. Qui eût séyu aimé à pratiquer la vertu et à faire des aumônes. Il payait toujours généreusement les porteurs et les petits marchands. Ces pauvres gens, se disait-il en lui-même, endurent les plus rudes fatigues pour gagner seulement quelques mesures de riz. Comment aurais-je le cœur assez dur pour chicaner avec eux? Il parvint à l'âge de 84 ans et s'éteignit sans douleur. Ces exemples nous montrent qu'on acquiert promptement des mérites en faisant des dons et en répandant des aumônes. Mais pour faire de véritables progrès dans la perfection, il faut nécessairement mettre son bonheur à pratiquer le bien et y persévérer avec une ardeur infatigable. Si vos moyens ne vous permettent pas de faire des aumônes, vous devez au moins en conserver sans cesse le désir. Quant à ceux qui se repentent de leurs dons ou de leurs aumônes, leurs bonnes pensées deviennent mauvaises, et leurs mérites se changent en fautes. Emprunter et ne pas rendre. Commentaire. L'expression kiatsié veut dire ici emprunter à quelqu'un des choses précieuses. Les mots pouan signifient ne pas vouloir rendre, ou ne pas avoir rendu à une époque déterminée, ce qu'on avait emprunté. En général, quand nous avons emprunté un objet pour notre usage, nous devons le ménager comme s'il nous appartenait, et le rendre dès le moment que nous n'en avons plus besoin. Non seulement nous ne mécontenterons pas les autres, mais encore nous n'aurons aucun motif de rougir au fond de notre cœur. Quant à ceux qui ont emprunté de l'argent, ils doivent mettre encore plus d'empressement à le rendre. Il n'est pas permis d'en frustrer ses créanciers à force de le garder longtemps. C'est cependant ce que font tous les jours les hommes de notre siècle. Ils ne songent pas que cet argent n'est pas à eux. Mais il arrive souvent qu'en retenant cet argent, ils finissent par le perdre. Et quoique l'argent ne soit plus entre leurs mains, ils n'en restent pas moins chargés de la même dette. Les bouddhistes disent: celui qui ne paie pas ses dettes dans sa vie présente, ne peut manquer de passer, après sa mort, dans le corps d'un âne, d'un cheval, d'un bœuf ou d'un chien, pour les acquitter dans sa vie suivante. Histoire TCH-NI, qui vivait sous la dynastie des Tang, avait emprunté 20 000 onces d'argent à Wu Tsongtse, et s'était refusé à les lui rendre, malgré ses fréquentes réclamations. Tsongtse le fit venir et lui adressa de vives reproches. Je vous devais de l'argent dans ma vie passée, lui dit-il. Je vais vous le rendre aujourd'hui. Vous me devez de l'argent maintenant, vous me le rendrez dans votre vie suivante. À ces mots, il jeta au feu la reconnaissance que TCH-NI lui avait souscrite et le congédia. Un an après, comme Tsongtse était seul dans sa chambre, il vit entrer un homme vêtu de blanc. C'était ch apostrophe ni qui venait, disait-il, pour s'acquitter de sa dette. J'ai brûlé la reconnaissance que vous m'aviez souscrite, lui dit Zongxé. Qu'avez-vous besoin de venir me payer? Tch apostrophe ni ne répondit point et entra tout droit dans l'écurie. Quelques instants après, on vint lui annoncer que sa jument venait mettre bas un poulain blanc. Zongxé envoya aussitôt quelqu'un chez Tch apostrophe ni pour savoir de ses nouvelles. Il était mort subitement. On voit, par l'exemple de cet homme, qu'on ne doit jamais manquer de payer ses dettes. Chercher à obtenir au-delà du lot qu'on a reçu du ciel. Commentaire. Le mot ing, 3, signifie calculer, méditer, chercher les moyens de. Le sort de chaque homme a été déterminé d'avance par le ciel. Les uns sont destinés à être riches et comblés d'honneurs, les autres à vivre dans l'obscurité et la détresse, d'autres à être de simples lettrés, des laboureurs, des ouvriers, des marchands. Il ne nous est donc pas permis de chercher à nous élever au-dessus de la condition où le ciel nous a placés. Histoire. Peipo, gouverneur du district de Saint-Pingyin, était un magistrat droit et intègre. Il mourut au milieu de ses fonctions. Un de ses amis, nommé Wei Yuan Fang, voyageant par hasard dans le pays de Longyu, rencontra Peipo qui était à cheval, accompagné d'une suite nombreuse. Yuan Fang lui en ayant témoigné son étonnement, il lui répondit. Depuis que j'ai quitté la vie, je remplis la charge de Liu Xingse dans tout le ressort de cité Chuan. C'est moi qui suis chargé de veiller à ce que les hommes n'aient ni trop peu de richesses ou de biens. Ici-bas le laboureur fait tous ses efforts pour obtenir des grains, le marchand pour obtenir de l'argent, le magistrat pour obtenir des appointements. Ils n'obtiennent jamais que la quantité marquée par le ciel, sans pouvoir la grossir d'un atome. Mais s'ils manquent de zèle et d'activité, ils perdent tout ce qu'ils devaient avoir en partage. C'est pourquoi j'étends ma surveillance depuis le pauvre, à qui il ne revient qu'un verre d'eau et une bouchée de riz, jusqu'à l'homme qui doit devenir riche et opulent. Si l'un ou l'autre dépasse le moins du monde le lot qui lui est destiné, j'ai le droit d'en retrancher l'excédent. On voit par là que ceux qui cherchent à obtenir au-delà du lot que le ciel leur a départi, non seulement ne peuvent l'augmenter d'une manière durable, mais qu'au contraire ils s'exposent à le voir diminuer. Un homme de Kuei An, appelé Sun Panghua, demeurait dans la capitale en attendant son élection. Son beau-frère y vint aussi pour obtenir un emploi, et fut nommé intendant des greniers de Taiyuanfu. Panghua attendit longtemps son élection, et comme il n'y avait aucune charge vacante, il était sur le point de s'en retourner dans son pays, lorsque son beau-frère vint à mourir subitement. Panghua dit à son neveu, « Tous les travaux de votre père sont perdus pour vous, et comme le diplôme est entre vos mains, si vous voulez me le prêter, je me présenterai en son nom, et je remplirai la charge qu'il avait obtenue. Je partagerai avec vous tous mes bénéfices. » Le neveu y consentit avec joie. Aussitôt Panghua alla remplir la charge de son beau-frère. Quand la durée de ses fonctions fut expirée, il les quitta avec un bénéfice de 700 onces d'argent, dont il donna la moitié au neveu. Panghua fut ravi de ce succès, et retourna à la capitale pour solliciter un nouvel emploi. Quand on eut tiré au sort les nominations, il fut appelé de nouveau à l'intendance des greniers de Taiyuanfu. Mais les règlements s'opposaient à ce qu'il remplît deux fois la même charge. Il pleura amèrement, et s'en revint chez lui avec le désespoir dans l'âme. On voit par là que si Pangoa avait su se contenter de son sort et attendre un temps plus favorable, il eût été infailliblement nommé intendant des greniers de Taiyuanfu. Ce n'est pas tout. Il aurait gardé pour lui seul tous ses bénéfices, et une autre fois il aurait pu parvenir à une charge plus élevée. Mais il a perdu sa place présente et son avancement futur, pour avoir eu recours à la ruse et à la fraude. Ainsi, ceux qui cherchent à obtenir au-delà de leurs droits, perdent même le lot qui leur était réservé. Ces exemples nous montrent que les hommes doivent, dans toutes les circonstances de la vie, se contenter de leur sort, et ne rien demander au-delà de ce qui leur revient en partage. Employer toute sa puissance pour venir à bout de ses desseins. Commentaire. L'expression Li Shang veut dire, en employant ses forces, ses facultés, sa puissance. Le mot Shi, 3, signifie faire. Shi, 4, veut dire préparer le succès d'un projet. Les anciens disent, si vous avez de la force, de la puissance, ne l'employez pas entièrement. Or ceux qui emploient leur puissance, sont renversés dès que leur puissance est vaincue. Ceux qui emploient leur force, tombent en défaillance dès que leur force est épuisée. Les hommes auxquels s'applique le passage du texte, ne font rien qu'en s'appuyant sur leur force et leur puissance, et la déploient tout entière, pour venir à bout de leur projet. Tantôt ils emploient leur puissance, pour assouvir une passion honteuse, ou s'emparer des propriétés d'autrui. Ils ne craignent pas que personne ose leur résister. Tantôt ils s'appuient sur leurs richesses, et font élever des édifices, sur une grande étendue de terrain. Ils ne craignent pas d'échouer dans leur entreprise. Mais s'ils persistent à déployer jusqu'au bout leurs forces et leurs moyens, il leur faudra imposer à leurs semblables de pénibles travaux, et dépenser follement d'immenses sommes d'argent. Par là ils s'attireront la haine des hommes, et appelleront sur leur tête de redoutables malheurs. Ce passage s'applique aussi à ceux qui font travailler les hommes et les animaux domestiques, et qui ne songent qu'à les presser et à les harceler,